Lost in Space, comme d'habitude, votre rendez-vous à 21h des musiques électriques, c'est sur le 100 FM. C'est parti à l'instant avec une émission qui va être plutôt orientée garage. On attaque immédiatement avec les 13th Floor Elevators. You're gonna miss me pour les titres. Repérez-vous et retournez sur le site de la radio pour toute info. Allez, c'est parti pour 2 heures. Never go. en plaisantant, Poole et Baumann se considéraient souvent comme des concierges ou des intendants à bord de ce vaisseau capable de se diriger par lui-même. Ils auraient été bien étonnés et sans doute indignés de découvrir qu'ils n'étaient pas très éloignés de la vérité. Sur ses jantes, abandonnées, deux de ses roues sont voilées. Elle, sa capote est déchirée. On voit le ciel à travers quand elle est usée. Une Chrysler rose, Chrysler que j'ai au fond de la cour. Chrysler rouillé. J'ai une Chrysler tout au fond de la cour. Elle ne peut plus rouler, mais c'est là que je fais l'amour. Il pousse de la mousse et des glissimaux sur le volant. La doigt dans la ville, dans la poussière, sur la portière. Les enfants décrivent que d'Achille est un con. Oui, une Chrysler rose. Elle ne peut plus rouler, mais quand les ressorts grincent, les enfants de l'immeuble aussitôt cessent de jouer pour venir regarder. Chrysler, une Chrysler rose, Chrysler. Le septième ciel à travers la capote déchirée. Chrysler tout au fond de la cour, elle ne peut plus rouler, mais c'est là que je fais l'amour. Oui, Chrysler. Ah, je sais pas si je vous ai dit, j'ai une Chrysler rose. Le levier de vitesse prend un cœur gravé, il y prend les bas troués. Ça dit au moment monté, me dit, ta Chrysler elle est foncée. Oui, mais on est tous défoncés. Chrysler, Chrysler rose. Oui, une Chrysler. Et ça dit, me dit, le levier de vitesse en moi. Non, c'est moi. Chrysler, Chrysler rose. Capote est déchirée. Et au moment de monter, Sally me dit, ta Chrysler. Oui, ma Chrysler. Ta Chrysler est... Oui, mais on est tous. Ta Chrysler. Chrysler. Chrysler. Chrysler. Chrysler. Elle ne peut plus rouler, mais c'est là que je fais la vie. sixième ciel à travers la capote déchirée. Le septième ciel et ses nuages pas bleus. Et au moment de monter, Sally me dit Ta Chrysler. Oui, ta Chrysler. Ta Chrysler est salement défoncée. Oui, mais tu sais, Chrysler. Chrysler. C'est le midi. La Chrysler. Oui, la Chrysler. En entier, c'est le midi. Right, boss, need to Sydney, AFP. Une femme avait fait cuire le cadavre de son mari pour le faire manger aux enfants. Un tribunal australien l'a condamnée vendredi à la prison à vie. Catherine Mary Knight, 45 ans, employée d'un abattoir, avait plaidé coupable, reconnaissant avoir tué John Price, 44 ans, en février 2000, en lui donnant 37 coups de couteau. Ensuite, elle l'avait décapité et écorché son cadavre, avant de faire cuire les morceaux et les servir à la table familiale, accompagnée de légumes et d'une sauce. La tête de la victime avait été retrouvée par les policiers dans une marmite sur la cuisinière. Le juge a souligné que l'accusé était un individu particulièrement dangereux et qu'elle serait capable de commettre d'autres meurtres, notamment d'hommes, au cas où elle serait libérée. We'll be right back. stubborn. Mais du fait que cette abondance est prise au mot, nous rejoint dans l'immédiat et non plus indéfiniment poursuivie dans la course du travail aliéné et de l'augmentation des besoins sociaux différés, les vrais désirs s'expriment déjà dans la fête, dans l'affirmation ludique, dans le potlatch de la destruction. L'homme qui détruit les marchandises montre sa supériorité humaine sur les marchandises. Il ne restera pas prisonnier des formes arbitraires qui a revêtu l'image de son besoin. Le passage de la consommation à la consumation s'est réalisé dans les flammes de Watts. Les grands frigidaires volés par des gens qui n'avaient pas l'électricité ou chez qui le courant était coupé est la meilleure image du mensonge de l'abondance devenue vérité en jeu. La production marchande, dès qu'elle cesse d'être achetée, devient critiquable et modifiable dans toutes ses mises en forme particulières. C'est seulement quand elle est payée par l'argent en tant que signe d'un grade dans la survie qu'elle est respectée comme un fétiche admirable. 96 eyes. I got a gun in his brain that's driving me insane. And I don't like the ride, so push that bastard aside. And baby, I won't care, cause baby, I don't scare. Cause I'm a reborn maggot using dream warfare. Rock. I'm a human fly, I still eat it a while. I say buzz, and it's just because I'm an unzipped fly, and I don't know why, and I don't know why, but I say rock tonight, and I say rock it right, and I say but I don't know why. Don't know why. La région équatoriale de la sphère, entre les tropiques du Capricorne et du Cancer, si l'on veut, abritait un cylindre de 10 mètres de diamètre qui tournait lentement sur lui-même. Sa lente rotation, à raison d'un tour toutes les 10 secondes, suffisait à entretenir une pesanteur artificielle égale à celle de la Lune, ce qui était suffisant pour éviter l'atrophie physique pouvant résulter d'une totale absence de gravité et pour permettre aux fonctions habituelles de s'opérer dans des conditions presque normales. shots for the notes and the knives because I wanna Lipstick on your collar, it's all the day on you. Ce cylindre renfermait la cuisine, le carré et les toilettes. C'était seulement là que l'on pouvait préparer des boissons chaudes, sans risquer d'être brûlé par une bulle d'eau bouillante, que l'on pouvait se raser sans être entouré de poils à la dérive. Ma You got a light, boy? You got a light? Cinq habitacles avaient été aménagés sur la périphérie du carrousel. Chaque astronaute pouvait y ranger ses affaires personnelles, mais seuls ceux de Poole et Bauman étaient utilisés pour le moment, bien sûr. Les trois autres demeuraient vides, dans l'attente de leurs futurs occupants encore endormis. Thank you. il était possible, si l'on le désirait, d'interrompre la rotation du carrousel. Mais normalement, le cylindre tournait à vitesse constante et l'on y pénétrait facilement par le centre où régnait l'apesanteur pour se déplacer ensuite vers la périphérie, ce qui n'offrait pas plus de difficulté que de monter dans un ascenseur. Darling, 'cause I need your love. 'cause I wanna love you, girl. I wanna love you. How big is the bulletin board? Oh, it's pretty big. So you can take a lot, huh? All right, well, we'll do that right after this. These fellas been working together, they tell me, a little less than a year. I didn't find out whether this is the first recording or not, but it's a gassy thing. Ladies and gentlemen, the Electric Prune! Nice to see you. Welcome to American Bandstand. Thank you very much. Could you quickly introduce around, and maybe, Eddie, you can get maybe one of the cameras can get the guys individually because they're kind of far away. Who's over here? Okay, this is Ken, our lead guitar player. Hi, Ken. Nice to see you. That's Preston, our drummer. Preston, howdy. That's Weasel. That's who? Weasel. Weasel up on top here. Wave, Weasel, and we'll get to you. And the gentleman over here? This is Mark. Mark. That sound that you got on that record, how long did it take to get it? I hate to even say. Probably about 2 or 3 hours. It was quite an involved process. It's a very unusual thing. I can't hardly imagine how you got it. One other question that I guess you've been asked many times before, but where did the name come from? Well, it started out as a joke between us, and sort of magnified, and it describes our sound. You know, the electric is what we lean towards. Well, I told you the story of my oldest son. He can't forget the name, so I guess that's a sign of a good name. Gentlemen, if you'll just rest easy, don't go anywhere. We'll all sit and enjoy a man of great talent. Again, Mr. Neil Diamond. La sphère d'habitation constituait la pointe d'une sorte de flèche à la forme imprécise. Explorateur 1, à l'image de tous les astronefs destinés aux explorations lointaines, être trop fragile et pas assez aérodynamique pour pénétrer dans une atmosphère planétaire, pas plus qu'il n'aurait pu résister à un champ gravifique. Il a été construit en orbite autour de la Terre, essayé sur un trajet Terre-Lune. C'était un véhicule purement spatial. She's a hot, she's a 10 out of 5. She's at my hands and would not listen, no. Yes, I should've known your wood was crap, yeah. Coming out all sweet and dripping. Where could I go? Yes, but to the law. I've been to your house and seen what you adore. I left this stiff, yeah, stiff as a board. Where could I go? Yeah, but to the Lord. He's my heaven. Who can say I'm on madness, freely given to you, folks with gladness. I will not live and die, no, not by the sword. I am weak without the joy of the Lord. Taste and see that the Lord is good. Let's bend our knees like we know we should. Can't see clearly, our eyes are made of wood. Taste and see, boy, that the Lord is good. He's my heaven. Who can say I'm on heaven? Immédiatement derrière la sphère étaient groupés quatre énormes réservoirs d'hydrogène. À leur suite, formant un V immense, se trouvaient les ailerons munis des vents qui permettaient de chasser la chaleur en excédent provenant des moteurs. Le fin réseau des canalisations de refroidissement leur donnait l'aspect d'ailes de libellules géantes et, sous certains angles, Explorateur 1 évoquait un ancien vaisseau des mers. face. I'm watching David Hill. I think I know just how it feels. And I'm glad. Feeling all out of time. With a silver like a dime. Always wishing for the past. Change the channel, switch the cast. I don't feel like they're alive. Always running out of time. Try to make it always last. Wait till Friday, start fast. Thank you. times I've waited patiently for you, and you do just what you choose to do. L'enfer du réacteur principal, dûment isolé, et le complexe des électrodes qui canalisaient le flux incandescent du plasma, se trouvaient à l'extrémité du V, à 100 mètres de la sphère d'habitation. Ils avaient fourni le gros de leur travail des semaines auparavant, lorsque l'astronef avait quitté son orbite lunaire. À présent, le réacteur ne fonctionnait plus que de temps en temps, brièvement, afin de fournir la faible énergie nécessaire à la vie interne du vaisseau. Throw it crooked, I always throw it straight. did I get into? I hear it dripping on my thoughts. If I could think of something better, I promise I'd give it all I got. And it's the expectation making or a break and giving me a heart attack. And in a 20 years time, will it all be mine? Or will I wish that I could take it all back? Hey, when I throw my weight, I never throw it crooked, I always throw it straight. I never throw it crooked, I always throw it straight. Les grands ailerons de propulsion, qui étaient portés au rouge lors des périodes d'accélération, étaient actuellement sombres et froids. Bien que les sorties dans l'espace fussent nécessaires pour des inspections détaillées de cette région de l'astronef, les instruments et les caméras indiquaient en permanence les conditions qui y régnaient. None is about you, but how cool the kids could write. Woo! Building castles that crumble with the tide. Bauman avait l'impression de connaître intimement le moindre centimètre carré des panneaux, radiateurs et canalisations qui composaient cet univers. À 1600, il achevait son inspection et faisait un rapport détaillé au contrôle de mission terrestre. Il ne s'interrompait qu'à l'accusé de réception. Il branchait alors son propre enregistreur, écoutait le message de la Terre et répondait éventuellement aux questions qui lui étaient posées. À 1800, Poole s'éveillait et il lui passait le commandement. Just a like, I'm sorry. I'm really sorry. I'm sorry. I'm sorry. No, it definitely is good. It's one of my goals for this. We'll be right back. Artie Rustum presents Eaten Alive. Mel Ferrer, Carolyn Jones, Stuart Whitman, Neville Brand. Get ready for Eaten Alive, a new horror classic.